l'apocalypse now. L'humanité boit à sa perte dans un calice noir. Je présente mes excuses à l'histoire, elle qui est toujours fidèle. Elle nous avait averti mais on a fait fidèle. Ne crois pas que je sidère, c'était cousu d'avance avec du fil blanc. On s'en est donné à tort pour que ce soit plus vibrant. Mais l'homme a toujours eu un penchant coriace pour Mars. Et ça part pour une marche du type militaire ou le dindon de la farce. C'est toujours cette même masse qui finit fourrée en toute humilité, à croire que c'est tout ce qu'elle a mérité. Leur carcasse catatonique, je vois bien qu'elle repas ne sera pas catholique. Alors passez-moi les bénédicités, quand l'inexorable avance la pas ferme et décidée sur tous les dissidents qui ne sont pas prêts à décéder. Pourquoi jouer les héros? Je tournais pas les toffes, électrochoc encore chaud. Sur les pariétos, je me laisse broyer par les taux. On a éclaté les murs, qu'on aurait mieux fait de raser. Sonner les clures, et si la roue tourne, c'est pour mieux nous écraser. Sonner les clures, on a éclaté les murs, qu'on aurait mieux fait de raser. Sonner les clures, et si la roue tourne, c'est pour mieux nous écraser. Sonner les clures, inaccessible comme la réalité. Big Brother a les yeux écarquillés. Ces modèles de réussite sont portés par la précarité, éparpillés. Seul le sort funeste nous ramène à l'égalité. Je rature les formulaires, l'air là est fatigué. Tant pis, je m'opposerai dans la chambre mortuaire. La sagacité pousse rarement à la lacrité, alors on rabâche toujours les mêmes banalités. Quel cirque! Tous ces animaux en quête de capitaux, y'a trop de clowns sous le même chapiteau. Et les nez rouges qui finissent souvent marginaux dans les caniveaux. Les neurones embouillent, l'air chamboulé, cherchant l'oubli, voire l'embolie en l'emboué. Complètement tabouique, voilà comment cette société a sa manière d'écrémer et d'exposer après l'indigestion ses excréments. On a éclaté les murs, qu'on aurait mieux fait de raser. Sonner les clures, et si la roue tourne, c'est pour mieux nous écraser. Sonner les clures, on a éclaté les murs, qu'on aurait mieux fait de raser. Sonner les clairons, et si la roue tourne, c'est pour mieux nous écraser. Sonner les clairons, sonner les clairons, enfoncer les éperons. De toute façon c'est toujours les mêmes qui paieront. Pourquoi réveiller le peuple, qu'il fasse la grâce mat? Chaque lutte finit usurpée comme celle de Karl Marx. Et dégueule, je parle pas, je dégueule d'aigreur comme un fat cap sur ces carcasses de ciment qui nous servent de résidence hésitant. Après une brève résistance, je prends à l'évidence. Si je suis tombé par terre, c'est de la faute à son père. Même les révolutionnaires finissent en poster. L'air moins angélique que désenchanté face aux êtres ingénieux qu'ils ont enfantés. Sur des bannières où le discours s'altère et se dissout avec cet arrière-goût amer. Alors ne cherche pas dans mes propos d'étendard. Tu risquerais de n'y trouver cristallisé que des fantasmes. Sonner les clures, et si la roue tourne, c'est pour mieux nous écraser. Sonner les clures, on a éclaté les murs, qu'on aurait mieux fait de raser. Sonner les clures, et si la roue tourne, c'est pour mieux nous écraser. Sonner les clures, on a éclaté les murs, qu'on aurait mieux fait de raser. Sonner les clures, et si la roue tourne, c'est pour mieux nous écraser. Sonner les clures, on a éclaté les murs, qu'on aurait mieux fait raser. Sonner les clairons, et si la hauteur, c'est pour mieux vous écraser.